Bonjour à tous. Pour notre rubrique Lundi Cinéma, nous vous présentons le programme de la Cinémathèque de Toulouse. Elle propose comme d'habitude une programmation éclectique, il y en a pour tout le monde. Les enfants apprécieront le nouveau dessin animé produit par Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Les ados s'identifieront avec la comédie romantique 20 ans d'écart. Enfin, les amoureux de la nature resteront impressionnés devant le merveilleux documentaire de Sebastião Salgado, Le sel de la terre. Nous vous rappelons que jusqu'au 20 mars, la Cinémathèque organise un cycle autour des films de Chantal Akerman, cinéaste belge disparue le 5 octobre 2015 et qui laisse derrière elle une filmographie impressionnante qui va du manifeste politique à la comédie loufoque. La réalisatrice s'est essayée tant au cinéma expérimental qu'aux productions les plus commerciales.